Chapitre 8e. L'arrestation de l'assassin. Voyons, Justine, disait-il dans sa chambre à la fidèle compagne de sa vie, un peu minceulette mais si intelligente. Moi qui accuse les autres de commettre des gaffes, je n'en suis point économe. Il est évident que je m'y suis très mal pris avec ce Van Kopfen dont j'ai stupidement éveillé la défiance. Il est vrai que j'avais absolument besoin de savoir s'il avait bien pris passage sur le bateau en question. De cela, je suis sûr maintenant, comme j'ai constaté, à n'en pas douter, qu'il avait pour compagnon de voyage ce monsieur Roger Segnemos, cet excellent jeune homme. Voilà qui est acquis, et ça en vaut la peine. Donc, mes gredins étaient deux, ça s'explique. L'un était le bailleur de fonds et l'associé, l'autre le travailleur. Certes, Fouinard ne s'expliquait pas de façon très claire, mais il était seul, et c'est étonnant comme en pareille condition, on s'entend bien à demi-mot. Maintenant, ce qui prouve que je manque d'expérience, dame, je suis cabot, mais pas chien de police, c'est que tenant l'animal sous ma main, je l'ai laissé filer. Au fond, cet imbécile de garçon d'hôtel ne pouvait pas m'apprendre grand-chose. J'avais bien une vague idée d'obtenir qu'il me fît entrer dans sa chambre, mais à quoi cela m'aurait-il servi? Justine, tu dis? Allons, ne te fiche pas de moi. Tu sais très bien, avec toi je ne fais pas le malin, que je suis pincé par l'envie de faire pièce à cet animal de Charlet, si poseur qu'il en est presque insolent, et qu'il ne veut même pas me recevoir. Quand je viens lui rendre service, tant pis pour lui, s'il fiche encore quelqu'un dedans. » À ce moment, son œil tomba sur le journal qu'il venait d'acheter, journal du soir, et qu'il avait posé sur la table, à côté de lui, et il distingua, sur la manchette pliée, ces mots tronqués, « Sion de l'assassin ». Il l'ouvrit furieusement et poussa une exclamation. Ça y était, la gaffe, l'inévitable gaffe. La manchette s'était complétée. Le crime du Montabor, arrestation de l'assassin. Avant de déguster l'article, qui était imprimé en 11 interlignés, tant paraît-il, la nouvelle avait de saveur, il fit dans sa petite chambre un tour de valse avec Justine. Puis, comme c'était l'heure de la brief, en argot parisien, le dîner, il courut au bouillon où il était sûr de trouver sa petite Suzon, toujours exacte, toujours docile. Elle l'aperçut rayonnant, les yeux si brillants qu'ils ressemblaient à des étincelles électriques. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit-elle en souriant de la joie évidente de son ami. « Il y a que je paye un entremets extra et puis le café. »« Ah ! Vous savez, monsieur Fouinard, tout ce que vous voudrez, mais toujours par à deux. Petite orgueilleuse, vous ne voulez donc pas me faire plaisir ? Enfin, becquetons d'abord. » Mais dites-moi d'abord pourquoi vous avez l'air si content. Demandez à Justine, moi j'ai la bouche pleine, je causerai plus tard, ou plutôt, tenez, voilà le journal de ce soir. Pigez-moi cette manchette mérifique. Suzon mit le journal à côté de son assiette, elle poussa un petit cri. Ah, c'est monsieur Charlet qui doit être content, c'est une belle revanche. Justine, dit Fouinard en dirigeant le bec de sa canne vers Suzon, dis à la demoiselle qu'elle vient de proférer une bêtise. « Carabiné. Hein ? Mon petit Fouinard, vous n'êtes pas gentil. »« C'est pas moi, c'est Justine. »« Mais après tout, elle a peut-être raison. »« Quelle bêtise ai-je dite ? Ce pauvre chef de la sûreté qu'on embête si fort parce qu'il n'arrive à rien, parce qu'il ne fait que des gaffes. »« Viens d'en faire une nouvelle, voilà tout. »« C'est possible, mais qu'est-ce que dit l'article ? Je ne l'ai même pas lu. » »« Alors je renonce à comprendre. Décidément, mon ami Fouinard, vous êtes trop fort pour moi. » La petite Suzon parlait d'un air pincé. Le mot « bêtise » lui était resté sur le cœur. « Allons, ne vous fâchez pas. Justine vous fait des excuses. Seulement regardez les sous-titres sur la trace du coupable, le piège, l'arrestation, les aveux. Eh bien, les aveux, c'est clair, il n'y a donc pas de gaffe, comme vous voudrez. Finissons, voilà l'entremets. C'est vous qui me l'offrirez, et c'est moi qui payerai le café, mais pas ici. Comment cela, je veux bien. » Où le café ? Chez Zimmer, au Châtelet. Vous oubliez, ma petite, que ce soir je fais ma rentrée dans le tour du monde. C'est vrai, passe-partout. Je suis sûr que vous serez encore mieux que Pougot. Ah, que j'aimerais aboyer là-dedans. Alors ça vous irait d'avoir une petite place ? J'ai pensé à vous. Une stalle de seconde, pas besoin de toilette. Donc, en route, je n'ai que le temps. Frétons le tram de Montrouge et filons. Il était 7 heures juste quand ils arrivèrent à la brasserie du théâtre. Le café servi, on étala le journal et on lut ensemble. Voici. On commençait par faire amende honorable au chef de la sûreté, qui ne se trompait pas. mais on était obligé de reconnaître que s'il avait commis une erreur, il venait de la réparer de façon éclatante. D'abord, un principe qui trompe rarement, M. Charlet avait installé, dans les voisinages de la maison du Mont Tabor, une surveillance occulte, mais incessante. L'assassin devait un jour ou l'autre reparaître sur le théâtre du crime, c'est classique. « Oui, oui, » ricana Fouinard. « C'est d'après ce système classique qu'il avait arrêté ce malheureux Michel Gervais. » Or, les agents qui observaient patiemment la rue remarquèrent ces jours derniers un homme d'assez haute taille, ayant l'allure d'un ancien militaire, qui passait et repassait devant la maison sur le trottoir de l'autre côté en y jetant des regards furtifs. Même une fois, il traversa la rue et entra. Peut-être avait-il l'intention de parler au concierge, mais il ressortit sans l'avoir vu, puis s'en alla rapidement. Comme les agents n'avaient pas ordre de filer les gens d'allure suspecte, ils s'abstinrent et rendirent compte à leur chef, qui, convaincu qu'il pouvait y avoir là une piste intéressante, vint lui-même, le lendemain, prendre la faction. L'homme revint, en sondeur, préoccupé. Cette fois, il se décida à entrer dans la maison et parla au concierge, lui demandant si on avait des nouvelles, si on savait qui a assassiné cette canaille de Templier. M. Charlet l'avait suivi et lui mettait la main sur l'épaule. « Je le sais, moi, » lui dit-il brusquement. L'homme eut un sursaut et fit un mouvement pour s'enfuir. « L'assassin, c'est vous !» La physionomie de l'inconnu se contracta, ses yeux roulèrent dans leurs orbites, il avait l'air d'un fou. M. Charlet répéta l'accusation et se mit à trembler de tous ses membres. « Eh bien oui » proféra-t-il d'une voix rauque, « c'est moi !»« Ah, voyez bien, monsieur Fouinard !» fit Suzon, triomphante, « que je n'ai pas dit une bêtise !» Fouinard lui adressa un regard plein de commisération. « Pauvre petite » fit-il, « comme c'est jeune !» Rageusement, Suzon continua sa lecture. L'aveu était formel. Restait à en contrôler la sincérité. Conduit au commissariat, l'homme, qui semblait hébété, tant sans doute il avait été stupéfait du résultat immédiat de son imprudence, déclara se nommer Soulavic Pierre, ancien adjudant en retraite. M. Charlet se souvint aussitôt que son titre de pension et des lettres contenant des supplications, des menaces et aussi des phrases incohérentes figuraient dans les dossiers récoltés chez le receveur de rente. Soulavic fut immédiatement mis en état d'arrestation. Puis des renseignements furent pris à son domicile, une mansarde qu'il occupait rue d'Aboukir. Soulavic vit seul, comme un ours, faisant son ménage lui-même, se nourrissant mal, de pain, de lait, de charcuterie, ne parlant jamais à personne, renfrogné et même pas poli. Toujours grondant entre ses dents, ayant l'air de ruminer des projets inexpliqués. Il sortait tous les jours à 5 heures, allait, croyait-on, prendre son pernod au sucre et rentrait sur le coup de 7 heures. Il s'enfermait et on ne le revoyait plus jusqu'au lendemain. Dès qu'on sut qu'il était inculpé de l'assassinat de l'usurier, les langues se délièrent. On l'avait entendu, la nuit qui avait suivi le crime, pérorer, déblatérer à haute voix dans sa chambre, criant « Et aille donc, qu'il crève ! En avant, baïonnette au canon !» Le tout agrémenté de jurons grossiers. Soulavic a été interrogé immédiatement par le juge d'instruction, et il n'a fait aucune difficulté pour avouer que le 3 août, il s'était rendu chez cette canaille de Templier, qu'il venait lui demander de l'argent, qui lui a été refusé et qui lui a coupé la gorge. « Une, deux » a-t-il ajouté avec un geste caractéristique. Puis il est parti bien tranquillement et est rentré chez lui. Pourquoi revenait-il à la maison du crime? Il ne sait pas, comme ça, pour le plaisir. Et encore le geste d'égorger un poulet. « Une, deux » En présence de ces faits, le juge a fait écrouer l'assassin qui a obéi à un sentiment prémédité de vengeance contre l'homme qui l'a exploité. Il est prouvé que l'usurier lui avait avancé 3 trimestres de sa pension à 50% d'intérêt. Sans doute, l'avocat de l'accusé, M. Berthaud, qui a accepté sa défense, trouvera là prétexte à circonstances atténuantes. « Il est cependant regrettable, disait le reporter philosophe, que l'idée de se faire justice soi-même pénètre ainsi dans la population et surtout chez de vieux soldats qui, plus que tout autre, devraient donner l'exemple du respect à la loi. L'instruction allait être menée rapidement et comme justement le rôle de la cour d'assises était très peu chargé en septembre, on pensait que Soulavic pourrait comparaître dans la première quizaine de ce mois. Et encore 10 lignes d'éloge à M. Charlet à qui était faite amende honorable pour les critiques un peu dures qu'on lui avait adressées. Suzon s'abstint de toute réflexion. Elle croyait comprendre que Fouinard était vexé par cette revanche de celui qu'il avait volontiers considéré comme un niais. Pour se donner une contenance, elle tourna la page du journal. « Tiens, fit-elle, vous n'avez pas vu. Quoi ? Il en a encore arrêté un autre ? Non, monsieur, mais regardez votre portrait en fouinard du courrier. » C'était vrai. Dans l'avant-compte rendu du tour du monde, on avait inséré les portraits photographiques de Phileas Fogg et de Passepartout. « Et qu'il est ressemblant ?» fit Suzon avec admiration. Fouinard regarda et fronça le sourcil. « Très ressemblant, » fit-il entre ses dents. « Trop même. » Puis s'adressant à la jeune fille, « Là-dessus, assez causé. J'ai juste le temps de monter à ma loge et de m'habiller. Dites donc, voulez-vous que je vous reconduise après le spectacle ?»« Mesdames, il faudra m'attendre un peu le temps que je me déshabille. » Suzon ayant consenti gentiment, il fut convenu qu'elle l'attendrait à la sortie des artistes sur l'avenue Victoria. Et Fouinard se sauva, car il craignait d'être en retard. « Trop ressemblant » grondait-il encore en montant l'escalier 4 à 4.